de tes yeux qui les gênent et que j'aime tellement. Et mon timbre dans tes yeux, ça dérange mais tu l'aimes tellement. Et même si tu ne me le dis pas, je sais qu'il joue avec ta tête en te disant. Tu sais pour ton bien-être et qu'il te faudrait peut-être un autre, moi différent. Mais t'inquiète, je leur dirai tout ce que c'est. Toi, et non pas une autre que je vois. Toi, et cela peu importe que tu sois ou pas de ma couleur mais d'une autre, ce sera toi et moi ensemble que le monde veut lui pas. Y'en a qu'une comme toi, c'est toi. Coup de ça. Ton niveau à coïncidence, moi je préfère ce qu'il couvre si bien. Si bien, oh. Ma peau noire, quelle importance. Juste une belle peau, c'est deux fois rien. En plus elle te va si bien, ça vaut vraiment la peine. Car c'est avec toi et moi que les temps changent. Oui les temps changent. Mais avant qu'ils comprennent, je leur dis que c'est toi, et non pas une autre que je vois. Toi, et cela peu importe que tu sois ou pas de ma couleur mais d'une autre, ce sera toi et moi ensemble que le monde veut. Que je les oublie, oh non. Encore moins parce qu'on s'aime que tu les trahis. Et on sait d'où on vient, ça ne change pas. Mais cela n'a rien à voir avec toi et moi. Oh, oh, oh. Et c'est toi, toi, toi et non pas une autre que je vois. Ma couleur mais d'une autre, ce sera